Dingue ci fekk aussi ay paquet crayon noir, 144 crayon noir au total. Benn bu nekk mi ngi ma diké 30 francs CFA. Crayon noir benn bu nekk mi ngi ma diké 30 francs CFA. 144 au total ñoo ci nekk.